Tenez, pour un homme d'esprit, vraiment, vous m'étonnez. Et vous vous figurez que je vous verrai faire sans rien dire. Écoutez, quelle que soit sa sphère, monseigneur, lorsqu'un traître, un fourbe tortueux, commet de certains faits rares et monstrueux, noble ou malin, tout homme a droit sur son passage de venir lui cracher sa sentence au visage et de prendre une épée, une hache, un couteau. Par Dieu, j'étais laquais. Quand je serai bourreau. Vous n'allez pas frapper cet homme. Je me blâme d'accomplir devant vous ma fonction, madame. Mais il faut étouffer cette affaire en ce lieu. C'est dit. Monsieur, allez là-dedans prier Dieu. C'est un assassinat. Crois-tu? Sur ces murailles, rien, pas d'armes, une épée au moins. Marquis, tu railles. Maître, est-ce que je suis un gentilhomme, moi? Un duel, Fidon, je suis un de tes gens. À toi, valetaille de rouge et de galon vêtu, un maraud qu'on châtie et qu'on fouette. Et qui tue? Oui, je vais te tuer, monseigneur, vois-tu bien? Comme un infâme, comme un lâche, comme un chien. Grâce pour lui. Madame, ici chacun se venge. Le démon ne peut plus être sauvé par l'ange. Grâce. Au meurtre! Au secours! As-tu bientôt fini? Je meurs assassiné, démon!